suis vivant. Mon Jojo, ça va bien? Ah, ça! Si, si! Ah, toi aussi, c'est là! Toi, je vais te choper plus tard, le Jojo! Ah! Mes amis, vous avez vu ça? On va encore saigner du nez. Comme un porc aux égorges. C'est reparti comme il y a deux ans. La canicule. Alors, du coup, le ministère de la Santé m'a demandé de faire quelque chose pour protéger les vieux. Comme j'avais un vieux dossier qui traînait par là, je l'ai ressorti pour l'occasion. Mon expérience a duré tout le week-end. Et croyez-moi, ça n'a pas été une mince affaire. Assistant ? Oui, maître. Allez me chercher le cobaye. Ok, maître. Ça y est, maître, il est sur la table d'opération. Il est bien attaché ? Absolument, maître. Ça va, le vieux ? Mais enfin, qu'est-ce que je vais attacher sur cette table ? Oh, c'est mon expérience. Un petit traitement pour que le vieux soit résistant à la canicule qui arrive. C'est douloureux ? Non. Vous allez m'anesthésier ? Non, blé. Mais j'ai mis au point une méthode d'hypnose pour vieux qui remplace l'anesthésie. On va mettre une musique qui va vous plonger dans une transe. D'ailleurs, on va y aller. Assistant, anesthésion sonore, s'il vous plaît. C'est parti, maître. Musique. Alors, vieux, tu commences à sentir un léger flottement dans ton corps, non? Non, j'ai envie de vomir. Non, mais attends. Faut pas y passer tout le week-end, non plus. Hein. Concentre-toi. Assistant, ouvrez-moi le vieux en deux. C'est parti, maître. Tronçonneuse. Au secours! Au secours! Ah! Que chuchote celui-là, je vous jure! Ah, voilà, ça y est, fini le découpage. Vous avez senti quelque chose? Ben oui, j'ai senti quelque chose! Ça fait un mal de chien de se faire couper en deux! Bon, maintenant on va placer ce qui va vous sauver en cas de grosse chaleur! C'est quoi? Un congélateur. Mais de quelle taille? Un petit frigo, une grosse télé, comme tu veux. Et là, sur le torse, je colle un thermomètre qui actionne électroniquement l'ouverture de la porte du congélo dès que la température dépasse les 30 degrés! Bon Jojo, c'est prometteur comme système. Bon, pour le premier petit vieux, il y a eu un souci. Quelqu'un a fait tomber sa tasse de café sur le thermomètre, du coup il est mort de froid. Bon. Ben ça va se régler tout ça. Bon, je vous laisse, j'ai fait la Wimbledon. Je vais aller coacher Richard Gasquet. Ah, ah. Il commence demain le petit. Allez, au revoir. C'est du boulot, hein. Il y a une quinzaine pour le coacher. Ah ouais, comme on espère.